do. Thank you. Que j'asynchronise parce que sinon vous allez jouer n'importe comment. Thank you. lecture et le même niveau de son. Ouais, c'est... Et c'est pas la réponse que j'attendais d'abord. Il était fort, et encore j'ai mon son, il est à un tiers de, du volume avant d'arriver à, au milieu. Francky est parti, je suis triste. Un vrai quoi? Là il a quoi mon son? Alors attends. Un autre. Francky Vincent, c'est qui celui-là? Ça, c'est bien, quoi. Un petit jazz. Allez, un petit jazz. Le dernier pour aller faire dodo. Google est ton ami. Après celui-là, ouais, parce que je baille. La chanson la plus terrible, c'est celle-là. Oh putain que c'est fort. Do easy. Oui, oui, oui, oui. Plié.